On va parler avec notre ami Roger Brulotte. Salut Roger. Salut Danny. Hey Roger, ESPN a fait un sondage, ben pas un sondage, un palmarès, parce qu'évidemment avec la retraite de Tom Brady, ben évidemment on l'appelle le GOAT, fait que ça a forcé les salles de rédaction de faire un palmarès de pas mal tous les sports, des meilleurs joueurs dans tous les sports. Et moi, c'est intéressant parce que dans le baseball, tu sais, il y a certains sports que c'est évident, là. Moi, le football, c'est Tom Brady. Le golf, c'est Tiger Woods. Le football, le basket, c'est Jordan. Et la boxe, c'est moi. On peut parler de Mohamed Ali. Le hockey, beaucoup parlent de Gretzky. Pour moi, c'est Mario Lemieux, par contre, là. Mais ça, c'est un autre débat. Mais au baseball, c'est beaucoup moins évident, là. Il y a ESPN qui a sorti les 100 meilleurs joueurs en même temps. Babe Ruth est premier, Willie Mays deuxième, Hank Aaron troisième, et c'est sûr que je ne les ai pas connus, ces joueurs-là, je les ai connus seulement de réputation de l'histoire. Toi, tu les as vu jouer, ben, pas Babe Ruth, là, mais. T'as moins de chance. Ouais, Aaron, Mays, es-tu d'accord avec ça? Moi, Mays, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer de tous les temps. OK. Pour moi. OK. Hank Aaron, Hank Aaron, juste derrière lui. Il y avait-tu la vitesse, Hank Aaron? C'était défensivement ou gagné? Hank Aaron volait des buts quand c'était important. Okay. Faut pas que tu oublies, tu jouais à une époque que voler des buts, c'était seulement si ça comptait. Parce que tu regardes, comme Mickey Mantle l'a même dit, la voici, j'aurais volé 50 buts par année. Okay. Willie Mays, la même chose. Hank Aaron, la même chose. Le vol de buts est devenu populaire lorsque l'offensive laissait à désirer. Okay. C'est ça qui est arrivé. Donc, quand les gars. J'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup moins de vols de buts. Donc, tu penses que ça va revenir éventuellement? Ça dépend, mais comment le vol de but, j'ai été éliminé avec Marquise Grissom. Oui, c'est ça. Marquise Grissom avec Bill Stallman. Bill Stallman avait été en arbitrage avec lui. Et en arbitrage, on a déclaré, mais les vols de but, c'est pas si important que ça. Mm. Alors, à compter de ce moment-là, les gars ont arrêté de voler des buts, mais on marque moins de points, puis le baseball est moins excitant. OK. Mais pour revenir à notre affaire, Babe Ruth premier. Écoute, personne n'a vu jouer, là. Seulement qu'on se raconte. Est-ce que tu penses que Babe Ruth, le fait qu'il frappait, le fait qu'il lançait, c'est ça qui fait en sorte qu'il est au premier rang? Regarde sa moyenne. Ouais. Regarde sa moyenne au bâton. Ouais. Okay. Regarde les points produits. Ouais. Regarde les coups de circuit. Il est tout seul. 342. C'est ça, pas pour tout. 2214 circuits. Puis je pense que les statistiques dans ce temps-là étaient pas toutes faites aussi, je pense. Hein? Étaient pas toutes homologuées, hein? Non, c'était pas autant qu'aujourd'hui, mais quand tu regardes des Bruce, tu regardes des. C'est juste sa moyenne au bâton en carrière. 342. Les points produits. Ouais. Et toi, 342, j'ai-tu pensé, là? Mm. C'est toute une moyenne au bâton, ça. Oui, effectivement. Et quand tu regardes les références de Dwarby, les buts sur balle, les séries mondiales qu'il a remportées, ben, moi, c'est le meilleur de tous les temps, sans aucun doute. OK. Donc, par la suite, donc, Mays, deuxième. Écoute, Mays, c'est un must. Hank Aaron, troisième. Bonds, pour les gens qui se posent des questions, là, les joueurs les plus. De notre époque. Bond, c'est 8e. Pedro Martinez, 11e. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ouais, hein? Ça, là, Pedro Martinez, écoute, ben, il n'est même pas proche de 300 victoires. Il ne faut pas exagérer. Ouais. La seule chose dans le cas de Pedro Martinez, sans aucun doute, quand tu regardes, c'est qu'il n'y a pas une saison qui a plus que 10 défaites. OK. Mais entre Pedro Martinez et Sandy Koufax, Yvan Marichal, on va arrêter. OK. Cy Young. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit. Ouais, vous devez remettre quelqu'un de l'époque d'aujourd'hui. Ouais, Cy Young, qui devait être au bien de bon. Il y a un trophée son nom, 21e. Oui, mais si tu regardes dans le cas de Cy Young, tu regardes les statistiques. Ouais. Sont là, ces statistiques sont incroyables. Ouais. Effectivement. C'est là qu'il est drôle de voir jusqu'à quel point on ne donne pas le crédit qu'il mérite. Mm. Moi, je regarde un Cy Young, là, les retraits sur trois prises et tout ça. Tu regardes sa carrière, là, 511 victoires. Ouais. 511. Il y a 315 défaites, mais avec une moyenne de 2,63. Ouais. Il n'est pas le meilleur lanceur de tous les temps. J'aimerais bien voir les statistiques pourquoi il n'est pas le meilleur lanceur de tous les temps. Regarde, c'est très discutable aussi. C'est difficile de comparer les époques aussi. C'est parce qu'on a sorti une nouvelle statistique, WAR, qu'on joue avec. Et on joue avec ça. C'est une statistique. C'est une statistique qui est le fun, qui fait paraître les joueurs qui sont moins bons, qui deviennent bons. Mm. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Okay. Mais moi, Cy Young, écoute bien. Moi, Cy Young, il est parmi les cinq meilleurs de l'histoire du baseball. Est-ce les cinq meilleurs. que la Ligue des Noirs, ben je pense que j'ai vu ça sur le page des Noirs, là, mais y a pas de noir, il n'y a pas de noir là-dedans aussi, là. Puis c'était. C'est parce que les Ouais. gens n'ont pas connu la Ligue des Noirs. Et la Ligue des Noirs joue dans un autre calibre de baseball. Ouais. Mais c'est très injuste. Si tu regardes les trois meilleurs joueurs, il y en a deux qui arrivent de la Ligue des Noirs, Willie Mays ainsi que Hank Aaron. Ouais. Mais Cecil Page, Josh Gibson également, semble-t-il, c'est plus Josh un receveur. Gibson, on dit que c'est le meilleur receveur de tous les temps, Josh Gibson. Point de vue de puissance, point de vue de jeu derrière le mat. Mais je ne l'ai pas vu, même pas d'un film. Mais ça, c'est. Malheureusement, aujourd'hui, on ne respecte pas l'histoire d'hier OK. dans tous les sports. On ne regarde pas l'histoire. On tente de trouver des statistiques d'aujourd'hui qu'à cette époque-là ne comptait pas pour les joueurs. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Mario Lemieux, incroyable. Wayne Gretzky, incroyable. Mais pour moi, le meilleur de tous les temps. Et les joueurs qui l'ont vu, Bobby Orr? même les anciens joueurs, ah ben sans aucun doute. OK. Parce qu'il a Regarde, regarde révolutionné les la. Il a statistiques. révolutionné la. Ben non, Doug Harvey avait commencé là, avec transporter la Oui. rondelle, mais Bobby Orr continue. Et moi, Mario Lemieux, Mais écoute, bon, regarde, deux championnats de marqueurs. Ouais. Il faut que tu regardes ça. Et moi, je reviens toujours à Bobby Orr. L'année qu'ils ont joué la Coupe du Monde, il était blessé. Il était choisi le meilleur joueur de toute cette série-là. Ouais. Un joueur qui revenait blessé, non. Pour moi, Bobby Orr, parce que Bobby Orr faisait tout ça. Il se battait, maîtrisait la rondelle, maîtrisait le temps de jeu, puis marquait des buts. Et les joueurs sont devenus très bons à jouer avec lui. Oui, effectivement. Mais encore une fois, c'est un goût. Comme, les gens me parlent de Tiger Woods comme meilleur joueur de golf, mais regarde la fiche de Jack Nicklaus, tu m'en parleras après. Mais c'est parce qu'il y a aussi l'histoire de comme parce que ça dépend c'est quoi quels sont les critères aussi de ça là. Jack Nick Mais Tiger moi, les critères, là, moi, les critères, quand tu choisis meilleur joueur, c'est statistiques offensives. Regarde qu'est-ce qu'il a fait offensivement. Regarde ce qu'il a fait au monticule. Il est resté sur trois prises, moyen de points mérités. Le WAR, tout ça, c'est des statistiques qu'on a inventées qui fait du bien qu'on a trouvé des jobs pour des gens. Mais quand je vois un gars comme DiMaggio et avec Trout, un à côté de l'autre, je regarde la carrière de Trout, je regarde la carrière de DiMaggio. Mais il utilise des statistiques bien paraître. Que ces statistiques-là, tout à l'heure, quand tu auras 70 ans, ne paraîtront plus, tu es en train de parler de ces joueurs-là, on va en avoir inventé d'autres. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais mettons qu'on prend ce palmarès-là, les expos ont formé par les. Ben, Pedro est là, mais formé par les expos, il y a Randy Johnson et Oui. Vladimir Guerrero qui ont été formés par les expos. C'est quand même bon pareil. Les Blue Jays en C'est ont ça. un, c'est Royal Holiday. Oui, et quand tu regardes ces trois joueurs-là, ces trois joueurs de talent, sans aucun doute, qui ont laissé leur marque. Vladimir a été dominant. Les coups de circuit sont là, sans aucun doute. Alors, tu regardes le rendement de Vladimir, il mérite sa place parmi les 100 meilleurs au monde, sans aucun doute. OK. Et Pedro, lui, 77e oui. pour les gens qui se posent des Tout comme questions. Randy Johnson. Ouais. T'sais, regarde la fiche de Randy Johnson, mais regarde la fiche de Pedro. Quel des deux tu vas prendre? Ben moi, je prendrais Greg Ah, Maddux. Je suis un fan de Greg Maddux. non, Ouais. non, mais là, je te parle de juste ces deux-là. Là. Ouais, OK, Puis, c'est bon. Ben, je Pedro est prendrais aussi bon. Johnson. Il est plus spectaculaire. Ben, on s'entend pour dire que je prendrais les deux, là. Mais je pense que le fait que Johnson est gaucher, je vais y aller avec Johnson. C'est drôle, hein? Juste ça. Non. Tu sais, quand tu regardes un gars comme Randy Johnson, tu regardes sa fiche, là. Il y a 303 victoires et seulement 166 Ouais. défaites. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que. Alors, c'est Pour ça, clair. tout dépend qui ce que tu aimes comme joueur, mais. Ah, c'est sûr que c'est un Pedro concours est de un bon. popularité aussi, là. Faut pas Pedro que était bon aussi, mais Seaver était meilleur, t'as. Ouais. tout comme sans aucun doute Mike Maddox. Ouais, Sans aucun doute. Greg Maddux, lui, là, Et j'ai. Greg, ouais. Mike serait content que je dise ça, Ouais. mais Greg, encore meilleur. Quel beau lanceur, Greg Maddux. Moi, c'est un gars qui découpait le marbre. C'est un lanceur, ce qu'on appelle chirurgical. Ah, il était incroyable. Ah, ouais, Tu sais, quand tu mets Mike Schmidt en avant de Frank Robinson, je regrette. regarde. Frank Robinson, tu regardes sa carrière, ses coups de circuit, tout ça, et tu mets tout ça ensemble, les deux se comparent. Là, c'est un choix lequel des deux t'as mis à ta place. Ouais. Mais tu sais, c'est proche, mais. Jackie Robinson, écoute, je l'ai vu, là, je me rappelle plus de son show, mais il est même pas dans les 20 premiers, je pense, de ça. Est-ce que Non, si Jackie. tu regardes sa carrière, Ouais, non, est-ce si que. tu regardes sa carrière, non. Si tu OK. regardes ce qu'il a fait dans le sport, c'est numéro un. Moi, Jackie Robinson, c'est le plus grand athlète de tous les temps. Un peu comme. Je t'explique pourquoi. Ouais, Parce qu'il a changé le monde. un peu comme Philippe Il a Alou. changé le monde entier. On lui a un président afro-américain. Les Afro-Américains ont des emplois partout. N'eût été le Jackie Robinson, ça n'aurait jamais marché. Parlons-en de racisme, c'est mon deuxième sujet, Roger. La Ligue, la NFL n'est pas sortie du bois, hein? Mais le peuple n'est pas sorti du bois. Non, je te parle de Brian Flores, l'histoire de Brian Flores. J'ai hâte de voir comment que ça va finir, cette histoire-là. Parce que tu regardes la situation, puis Brian, les Dolphins, ça regarde pas bien. Hein? Puis des entraîneurs noirs, il n'y en a pas beaucoup dans la NFL. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais non, il y en a encore bien moins dans la nationale, des adjoints. Il y en a encore bien moins dans l'hockey mineur. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Un gars comme Larry Austin, que son âme reste en paix, c'est un des plus grands hommes de hockey. Il était monté junior. On lui a donné la chance d'aller dans la nationale ni dans la Ligue américaine. Si tu regardes autour, là, tu vas t'apercevoir qu'ils ont été défavorisés. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Et tu regardes Willie O'Ree, ça fait combien de temps qu'on le reconnaît? La famille qui a des frères de Carnegie qui jouait avec les Arts de Québec, Jean Béliveau. Jean Béliveau a toujours dit que Carnegie méritait de jouer dans la Ligue nationale. OK. Sans aucun doute. Mais c'est pour ça que malheureusement, les Afro-Américains, dans tous les domaines de la société, ont toujours été pénalisés. Baseball, par contre, c'est une histoire, on en a parlé, c'est pas nécessairement une histoire de joueurs, c'est pas nécessairement une histoire de c'est plus une question de salaire. Pourquoi tu irais dans le baseball 5 ans quand tu es capable de gagner un meilleur salaire dans NFL et basketball, la même chose? Là. Ça, il va falloir que ça change. Quand tu regardes, les règlements de basketball ont changé. Lorsque toutes les équipes fallait que le joueur termine son collège, le joueur était meilleur. Mais là, maintenant, le gars finit même pas ses rangs collégiaux. Il fait 2 ans, puis il est parti. Ouais. Il s'en va dans le pro. Tout a changé. Et ça a changé pourquoi? Parce que c'était pour le sport professionnel. Point. Ton meilleur souvenir... En terminant, oui. Roger, ton meilleur souvenir de Tom Brady? Je pense que le meilleur souvenir de Tom Brady, ses passes à chaque match, jusqu'à quel point il était précis. OK. Mais si tu me demandes Tom Brady, je suis déçu de la façon qu'il a pris sa retraite. Ben moi aussi. Très déçu. C'est-tu dans le sens qu'il aurait dû convoquer la presse, puis moi, c'est dans ce sens-là? Il aurait dû attendre que le Super Bowl soit fini. Il vient d'enlever une semaine de publicité aux jeunes. Ouais. Il vient d'enlever une semaine de publicité aux joueurs de Cleveland. On ne parle pas de Cleveland, on ne parle pas de Los Angeles, on parle juste de Tom Brady. Je pense que Brady aurait pu attendre. J'ai trouvé un peu égoïste. C'est-tu un peu dans le sens que Adam Schechter avait coulé l'information, le vol assemble? Puis ça change quoi? Ouais. Ça change quoi? Ouais. C'est juste à dire non. Ouais. C'est juste à dire que c'est pas vrai. Ouais. Une fois fini, mais là, tu dis oui. OK. Ça change. Tu sais, c'était pas une décision de vie ou mort, là. Ben non, c'est sûr. Moi, je suis déçu dans le sens qu'il aurait dû convoquer la presse et faire ça comme à l'ancienne. De se présenter devant les caméras, faire. Tu sais, ça aurait été le fun, au moins, là. Mais les astres, c'est avec l'ère des médias sociaux, c'est plus facile, là. Mais c'est plus facile parce qu'ils sont pas obligés d'affronter la réalité. Ouais. Je trouve ça de. La façon qu'il a fait, ça, c'est ses affaires à lui. Ce que je trouve de malheureux, par contre, c'est que. Comment je pourrais dire ça? Sans être méchant, la façon qu'il a annoncé sa retraite, il n'aurait pas à temps. Ben oui. Okay. Il n'aurait pas à temps. Ouais. Roger, on se reparle vendredi prochain. On est prêts. Commentaire de Roger Boulotte.